Can you do it soon? Can you do it right? Stop! Oh, little girl, get out and shut your mouth. Stop! Oh, little lady, can't you see you're out? Je vais tomber en vacances, je vais tout aussi bon. Prends-moi avec toi, tu seras mon roi. Je désire ta vie, je désire tes yeux. J'ai besoin de toi, donne-moi ton feu. Stop! Oh, little girl, get out and shut your mouth. Shut your mouth.